Unité 7. 11. Je dors. Tu dors. Il dort. Nous dormons. Vous dormez. Ils dorment. Je bois. Tu bois. Il boit. Nous buvons. Vous buvez. Ils boivent.